Comment l'arme nucléaire a-t-elle réinventé les relations entre guerre et politique? Comment la possibilité de la catastrophe conduit-elle à repenser de manière radicale les rapports entre pouvoir et humanité? Et puisque l'avènement du pire n'empêche pas la répétition du pire, faut-il encore croire aux forces de la raison? Assemblage de la bombe terminé. 8h30, gagnons notre altitude, 10 000 mètres. Reçu, message météo, objectif dégagé. Il fait beau à Hiroshima. Objectif en vue. 9h11, pareil. Bombe larguée. 9h16, mon Dieu. Sur ces mots se termine le journal de bord du capitaine Lewis, copilote de l'Enola Gay, qui le 6 août 1945, à 9h15 du matin, heure du Pacifique, largua sur un objectif ennemi la première bombe atomique de l'histoire. Bonjour Edouard Joly. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Qu'est-ce qui a changé le jour où la bombe nucléaire a été larguée sur Hiroshima? Bien, pour revenir à... la chanson d'Iron Maiden que je suis très content que vous ayez passée, le titre c'est Two Minutes to Midnight, qui veut dire que ils font référence à la Doomsday Clock, donc à l'horloge de l'apocalypse. La possibilité ouverte par l'explosion nucléaire, c'est l'idée que l'humanité puisse par ses propres moyens techniques produire cet apocalypse, donc finalement la fin du genre humain. Si je peux continuer encore. Ah, je vous en prie, on a le temps. Allez-y. Donc ça, c'est l'idée vraiment, si on intègre, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'idée d'apocalypse. Maintenant, si on regarde l'événement comme événement historico-militaire, il faut voir que ça renvoie à une autre question qu'on peut se poser finalement. Est-ce que la guerre nucléaire a déjà eu lieu avec Hiroshima et Nagasaki? Eh bien, la réponse est paradoxalement non, puisque l'idée de... ce bombardement nucléaire, c'est finalement de gagner en efficacité opérationnelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'employer des milliers de bombardiers pour produire ce qui s'est produit par exemple sur la ville de Dresde, tout à coup, la technologie militaire a permis d'envoyer ce qui s'apparentait à un avion de reconnaissance que le peuple japonais d'Hiroshima n'avait pas reconnu, avait simplement pensé que, au passage de cet avion, qu'il s'agissait juste, voilà, de l'avion de reconnaissance qui prépare au bombardement qui va suivre avec les escadrons qui allaient arriver, avec un bruit particulier des escadrons de la Seconde Guerre mondiale qu'on peut avoir dans les films. Et là, ce qu'il s'est produit, c'est simplement un énorme éclair. Et donc c'est ce qui a donné d'ailleurs le Pikachu dans la culture populaire, c'est l'éclair japonaise, Pika. Ouais. Et ensuite, l'autre terme japonais, c'est les Hibakusha, si je me souviens bien. Donc, les victimes de ce bombardement qui ont survécu et qui ensuite ont essayé de retrouver un semblant de vie alors que c'était produit une forme de destruction que l'humanité n'avait jamais connue. Donc, ce que vous dites, c'est que la bombe larguée sur Hiroshima, ce n'est pas une guerre nucléaire. C'est l'utilisation d'une arme nucléaire dans le cadre d'une guerre. Dans le cadre d'une guerre, voilà. C'est la découverte de la puissance de cet armement utilisé en dehors des phases de test. Alors, le premier test américain, c'était le test de Trinity, Vous aviez déjà des vidéos, vous aviez déjà, on voyait déjà la déflagration, la puissance de feu qui était offerte par cette arme. Et là, ça a été testé donc en situation réelle avec les conséquences qu'on connaît, ce saisissement. Mais c'est pas un test. C'était pas un test. Ah non, c'était pas un test, ouais. Bien évidemment. Mmh. Mais c'est-à-dire avant d'utiliser ce moyen, on n'avait connu que des tests. C'était un armement, un prototype, si vous voulez. Et là, qui a été utilisé, qui a saisi le monde entier, au point que ce soit l'empereur japonais lui-même qui a pris la parole pour décider que le conflit devait s'arrêter et que c'était fini, quoi. Est-ce que les gens pensaient que c'était possible ou probable que l'arme nucléaire puisse être utilisée? C'est difficile à dire puisque c'était un armement, si on se remet vraiment dans le contexte, c'était un prototype, donc c'était secret, c'était... Il y avait une recherche de développement de ce type d'armement pour un gain de puissance. C'est-à-dire, si vous voulez, on prend en termes de théorie de la guerre, si vous regardez l'évolution de la guerre, le principe qui était, qui gouvernait l'évolution de la guerre jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était l'augmentation de la masse. On augmente les masses humaines et on a de plus en plus, faut imaginer, alors on a du mal à l'imaginer à l'échelle des conflits actuels, mais des masses humaines qui vont s'entrechoquer avec des colonnes de chars, et c'est un peu ce que nous rappelle le contexte actuel. Oui, c'est ça. Ce qui a permis l'armement nucléaire, c'est de remplacer la puissance de la masse par la puissance du feu. Et donc de réduire les contingents de nos armées, parce que la puissance de destruction est devenue telle qu'à quoi bon aligner des divisions les unes contre les autres, dès lors qu'une simple bombe suffirait à les éliminer. Vous êtes, Édouard Joly, chercheur en théorie des conflits armés et philosophie de la guerre à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Vous enseignez dans le master en relations internationales de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, ainsi qu'à l'École de guerre. Juste un point là-dessus, l'École de guerre, on y apprend à faire la guerre, c'est ça? Oui, on y apprend. Alors c'est au sein donc de l'École militaire. Alors souvent, quand on connaît mal, on va parler des proches de l'École militaire, comme si c'était un peu... Il y a eu des tribunes qui sont sorties un peu avec des enseignants, chercheurs qui s'écharpaient les uns contre les autres. L'école militaire, c'est un site, c'est-à-dire que c'est un domaine en face de la Tour Eiffel qui comporte plusieurs instituts, dont l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, dont l'école de guerre. L'école de guerre, c'est donc l'Institut d'enseignement supérieur militaire qui s'adresse à la, enfin, qui vise la formation des officiers de nos armées françaises ainsi que d'officiers étrangers au moment de leur carrière, donc lorsqu'ils sont commandants, lieutenant-colonels, et de façon à être brevetés de l'école de guerre. C'est ce qui permet d'accéder au poste donc d'officier supérieur type colonel et ensuite à la voie des étoiles, comme on dit, donc au poste des généraux. Donc faire la guerre, c'est un métier? Oui, c'est un métier au sens où depuis 96 en France, nous n'avons qu'une armée de métiers, c'est une profession. Et la complexité de la guerre, ne serait-ce que technologiquement, fait que nous sommes contraints à cette professionnalisation. Nous avons besoin de fins techniciens, planifier une guerre, que ce soit en défense ou en offense. C'est un processus éminemment complexe et qui s'apprend... sur les bancs de l'école, comme n'importe quelle pratique, finalement. Alors, avec vous, ce matin, on va aussi parler de philosophie de plusieurs philosophes. Vous avez écrit deux ouvrages sur Günther Anders, le philosophe Günther Anders, qu'on va présenter. Et, bah, je vous propose qu'on lui laisse d'emblée la parole à travers la voix de Bernard Gabay, puisque Günther Anders est celui qui qualifie l'âge atomique et la menace nucléaire de situation apocalyptique. Le 6 août 1945, le jour du bombardement d'Hiroshima, un nouvel âge a commencé, celui dans lequel, à n'importe quel instant, n'importe où, nous pouvons nous transformer. Non, toute notre terre peut se transformer en un Hiroshima. Depuis ce jour, nous sommes devenus tout puissants sur le mode négatif. Mais que nous puissions être anéantis à l'instant même, cela signifie également que, depuis ce même jour, nous sommes totalement impuissants. Peu importe combien de temps cela durera, peu importe si cela durera éternellement, mais cette époque est la dernière, car elle ne peut perdre sa différence spécifique, la possibilité d'un auto-anéantissement, que dans la fin elle-même. Puisque nous croyons à la possibilité d'une fin des temps, nous sommes des apocalypticiens, mais du fait que nous combattons une apocalypse que nous avons rendue possible, nous sommes des ennemis de l'apocalypse, un type d'apocalypticien qui n'a encore jamais existé. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de guerre cette semaine sur le chemin de la philosophie, ce matin de l'arme nucléaire, de savoir de quelle manière l'arme nucléaire nous force à repenser les relations entre guerre et politique. L'apocalypse est-elle inévitable ? En compagnie d'Edouard Joly, alors le texte que l'on vient d'entendre de Günther Anders laisse penser que oui, cette apocalypse serait inévitable. Peut-être présentez-nous qui est Günther Anders avant tout, Edouard Joly. Alors, Günther Anders, de son nom original Günther Stern, était le fils de Wilhelm Stern, donc un grand psychologue allemand, inventeur entre autres du QI. Mais pour le côté, disons, biographique au sens strict, il a été le premier mari d'Anna Arendt, c'était le meilleur ami de Hans Jonas. Il a fréquenté Herbert Marcuse, il a fait sa thèse sous la direction de Husserl, il a suivi les séminaires de Heidegger à l'époque de la rédaction des traitants. Ensuite, il a fait partie de la cohorte des exilés, il a fréquenté donc l'école de Francfort, comme je le dis. Puis, à partir de 1950, il est revenu vivre en Europe après son exil, jusqu'à la fin de sa vie, où il a vécu à Vienne. Et j'aurais tendance à le lire de deux manières. Donc, il a son œuvre avant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'apparente à une œuvre très académique, finalement, avec... Vous voyez qu'il s'inscrit dans la tradition de l'époque. Il avait vécu l'exil d'abord en France, fréquenté Gabriel Marcel, tout le cercle de la Sorbonne, enfin tout ce qui est familier des historiens de la philosophie du XXe siècle. Mm-hmm. Et puis après, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, je pense que là, il y a eu un vrai choc personnel, intellectuel, sur énormément de plans, en tant qu'exilé. Et il est revenu donc vivre en Europe en refusant de faire de la philosophie sous le style académique. Et ce qui fait son originalité, et ce qui fait aussi qu'on est vite séduit en le lisant, c'est cette idée d'absence de compromis. Refuser des postes qu'on lui proposait, refuser les postes qui étaient proposés par Hans Bloch, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il considérait que le problème de l'université et de la philosophie académique était de se comporter comme des boulangers qui produiraient du pain pour d'autres boulangers. C'est-à-dire qu'il... Il reprochait finalement au langage philosophique de rester dans un style trop ésotérique et de refuser le style exotérique, donc quelque chose de davantage lisible, accessible, ce qui l'a conduit lui-même à rechercher dans le développement de son œuvre une expression philosophique dans différents genres littéraires. Un roman qui a été traduit récemment, des fables, des journaux intimes, je pense que, ou même le style épistolaire. Hein. Pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu Anders, je pense que le point d'entrée, c'est de lire Nous, fils d'Eichmann. C'est deux lettres adressées au fils d'Adolf Eichmann, Klaus Eichmann, et qui sont dans un style très percutant et qui me mettent tout de suite en présence de la force de ses thèses et de son style si particulier. Voilà comment je le présenterais. Non, mais c'est passionnant, parce que ce texte, moi je ne connais pas ce texte-là, adressé au fils d'Eichmann. Ah oui, alors l'idée de ce texte adressé au fils d'Eichmann, pourquoi c'est une bonne entrée ? Parce que d'abord, il présente sa pensée de la technique, c'est-à-dire que le fond philosophique d'Anders, c'est une réflexion sur la technique. Donc ça, vous voyez, ça s'inscrit dans une tradition philosophique. Mais la question qu'il pose dans cet ouvrage, c'est que finalement... une fois les camps nazis s'étant produits, une fois les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ayant été possibles, qu'est-ce qui nous empêche de ne pas reproduire ces horreurs ? Ouais. Qu'est-ce qui nous empêche donc de ne pas être nous-mêmes des fils d'Eichmann, c'est-à-dire de se retrouver dans la situation de n'être que finalement un fonctionnaire dans un bureau qui ne fait que signer des listes de noms et dont les conséquences sont les plus grandes horreurs possibles et imaginables. Bon, alors, on remet dans le contexte. Nous, fils d'Eichmann, il faut aussi le lire en dialogue avec Arendt, puisque son Eichmann à Jérusalem, c'était 1963. Oui. Et les lettres, le Nous, fils d'Eichmann, c'est 1964. Et même s'il ne se parlait plus vraiment... Son premier mari. C'était son premier mari. Il faut imaginer, Ils se lisaient ensemble, ils ont co-signé un texte sur les élégies de Duino de Rilke. Enfin, c'est, il y a un côté tout très. Alors pour Louis, le côté Paris Match de l'histoire de la philosophie, c'est du miel. C'est-à-dire que c'est la romance des étudiants qui ensuite deviennent tous les deux de grands auteurs. Qui connaissent d'autres, enfin faut imaginer, voilà, c'est presque, on se demande comment se fait-il que dans un si petit cercle ait pu réunir autant de potentiel et de production philosophique, de la richesse qu'on connaît. Donc c'est assez, voilà, c'est en quoi c'est passionnant. Et Günther Anders, donc revenons à l'Apocalypse, dans ses écrits, ses différents écrits, ne cesse de s'intéresser à cette angoisse, à cette inquiétude, comme si finalement, ses contemporains ne prenaient pas assez la mesure de ce qui était en train de se passer. Hein. Il l'écrit dans l'obsolescence de l'homme, il dit « Où est notre angoisse ? Je n'en trouve même pas la moindre trace, je ne trouve pas même trace d'une angoisse d'importance moyenne, pas même d'une peur comme celle que peut provoquer le danger d'une épidémie de grippe, pas la moindre trace d'angoisse, comment cela est-il possible ?» Et toute son œuvre est teintée de ce ton d'invitation à l'angoisse, mais aussi apocalyptique au fond. Alors, c'est-à-dire que quand on lit Anders, c'est vrai qu'il faut avoir, le moral, disons. Il y a un côté, il y a une forme de noirceur qui est propre à son œuvre et qui donne aussi un côté séduisant. C'est-à-dire qu'il va jusqu'à faire du désespoir un principe. Maintenant, je pense qu'il y a, il y a une dérive dans cette attitude, c'est de la dérive du moraliste. C'est de se poser de se mettre dans la position du philosophe donneur de leçons et de celui qui allume la lanterne en plein jour et qui n'arrête pas de crier, pour reprendre une figure nietzschéenne un peu. Je pense que c'est un peu le côté qu'on peut retrouver rebutant, c'est ce qui fait qu'il se répète beaucoup oui. dans ses œuvres. Si vous prenez voilà la troisième partie de l'obsolescence de l'homme ou la menace nucléaire ou d'autres textes, on revient souvent sur certains motifs. On revient sur donc ce que vous désignez avec l'idée qu'il n'y a un étonnement face à l'absence d'angoisse, c'est ce qu'il appelle notre aveuglement face à l'Apocalypse, et qu'il explique philosophiquement. C'est-à-dire qu'il l'explique philosophiquement à partir de sa notion de décalage prométhéen. Le décalage prométhéen, c'est l'idée que, par notre technique, nous disposons de moyens de production qui dépassent toutes nos facultés de représentation. C'est un décalage entre donc notre capacité de produire et notre capacité de représenter. Mmh. Et ça fonctionne bien, cette pensée de la technique fonctionne bien, c'est un décalage prométhéen au sens donc voilà, on est dans cet écart considérable entre notre imagination finalement réduite et notre capacité titanesque de production. Et ce qu'il nous dit, c'est comment on peut faire en sorte que notre imagination rattrape nos capacités titanesques de production, et dans la production, il faut aussi comprendre la destruction. Oui. Donc cet aveuglement de l'imagination qu'on doit muscler, alors le côté prescriptif qu'il peut avoir, finalement, à chaque fois, c'est de dire, il faut muscler notre imagination, il faut muscler notre sensibilité, il faut nous éduquer, en quelque sorte, à avoir peur. Pour prendre la mesure de l'apocalypse possible, voilà. Rendu possible par l'arme nucléaire, tout par-delà, n'est-ce pas ? Entre autres, c'est-à-dire que oui, alors si on peut même, si on ramène ça à un angle peut-être plus biographique, suite au bombardement d'Hiroshima et Nagasaki, Anders tout de suite communiquait dans ses lettres à Hans Jonas en particulier, vraiment sa panique morale face à la grandeur de l'événement. Et vous avez des lettres échangées entre Jonas et Arendt où ils discutent entre eux, mais ça y est, Anders est devenu fou, il a perdu la raison. Et vous le repérez même entre les lignes dans ses textes, même dans l'obsolescence de l'homme, ça date de 1956. C'est un auteur qui s'autocite et qui cite un roman qui n'a paru qu'en 1992, au moment de son décès. Mais que lui a déjà écrit. Mais que lui avait déjà écrit dans les années 30 et qu'il citait alors qu'il ne s'était pas encore paru. Et vous avez une sorte de, voilà, il développe une sorte de langage mythique aussi. Enfin, il y a toute une transformation de sa philosophie causée finalement par sa propre panique morale face à l'énormité de l'événement. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est le seul à avoir si peur à ce moment-là ? Non, je pense que c'est un sentiment partagé. Vous avez d'autres auteurs qui ont écrit sur la bombe nucléaire, bien sûr. Alors, sur le plan, vous avez Karl Jaspers, par exemple. Et ça, c'est pour ne citer que le côté philosophie allemand. Après, vous pouvez sortir de ce, de cette galaxie philosophique où Arendt aussi en a parlé dans une certaine mesure, et puis aller vers plus vers la théorie politique où la, et là vous, il suffit de lire Raymond Aron qui rationalise complètement la la pensée du nucléaire et qui en fait un outil militaire qu'on doit concevoir comme faisant partie de la stratégie, et ça s'intègre dans toute une tout un courant de pensée politique finalement. Raymond Aron, le voici. On peut concevoir la suppression des expériences atomiques. On peut arrêter la production des armes atomiques. Mais pour une longue période, deux puissances conserveront le moyen de faire sauter la planète. Et je pense qu'il y a une vérité profonde dans cette situation, qu'à partir du moment où l'homme a volé le feu, comme on dit, l'acte prométhéen, à partir du moment où l'homme s'est engagé dans la voie de la civilisation scientifique, il ne se peut pas que les hommes n'aient la capacité de se détruire eux-mêmes. Et si on éliminait les armes thermonucléaires, à la prochaine génération, les biologistes nous donneraient un autre moyen de destruction en grande série. Donc le seul espoir, et je pense que, comme on dit avec les formules à la mode, il a un sens philosophique et existentiel profond, c'est que l'homme est devenu maître de son destin, il est capable de se détruire en tant qu'espèce vivante. Mais il ne le fera pas parce qu'il est raisonnable, ou il ne doit pas le faire, parce qu'il veut vivre. Selon la raison. Édouard Joly, je vous sens intéressé, voire fasciné par cet archive de Raymond Aron. C'était en 1959. En fait, je ne la connaissais pas et je suis très surpris d'abord de retrouver. Là, on a une combinaison du côté andersien, donc le fait qu'il y a une symbolique prométhéenne dans le feu nucléaire, mais d'un autre côté, on voit qu'il en a une lecture différente. Et c'est l'optimisme. Il est plus optimiste. C'est l'optimisme aronien qu'on retrouve dans sa somme « Penser la guerre » Clausewitz en deux volumes, dans le second volume où il parle de l'ère nucléaire. Donc il a cette idée aussi qu'on est rentré dans une ère historique nouvelle. Sauf que ce que nous dit Aron, c'est que nous devons parier sur la nature raisonnable de l'être humain. C'est ça. C'est la raison qui peut nous sauver. C'est la raison politique qui nous sauve. C'est le fait que finalement... personne n'aurait à gagner à produire l'apocalypse. C'est au fond la pensée qu'il a. Ça ne l'empêche pas de rationaliser la question de l'arme nucléaire techniquement, au sens où faire la distinction entre arme nucléaire tactique et arme nucléaire stratégique. L'arme nucléaire tactique, c'est celle qui est employable dans le domaine du champ de bataille. C'est-à-dire que vous avez deux armées concurrentes, et parmi les différentes armes utilisables, on va décider d'utiliser l'arme nucléaire tactique. Alors tactique, les armes nucléaires tactiques, elles ont quand même l'échelle depuis une puissance de plusieurs fois Hiroshima. Et vous avez les armes nucléaires stratégiques, qui là sont d'une autre échelle, plus puissantes, et qui n'ont vocation qu'à entretenir la dissuasion nucléaire, ou ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Enfin, vous avez tout un tas d'expressions pour désigner ce phénomène. Et ce que nous dit finalement Aron, c'est que l'arme nucléaire tactique, et c'est la question pourquoi je parle de ça, c'est parce que ça correspond au contexte dans lequel nous sommes. Oui. Lorsque vous avez la menace nucléaire agitée par Vladimir Poutine, c'est la menace de l'emploi d'une arme nucléaire tactique sur le champ de bataille ukrainien. Donc tactique et non stratégique. Voilà. La question est-ce que lors de l'emploi de ce type d'armement, nous allons assister à ce que Clausewitz appelait déjà l'ascension aux extrêmes, c'est-à-dire est-ce que la prophétie de malheur va se réaliser? Est-ce que nous allons ouvrir la fameuse boîte de Pandore et voir les puissances faire augmenter la puissance jusqu'à la destruction mutuellement assurée? Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est une question à laquelle je répondrai en lisant Clausewitz, en revenant 200 ans en arrière. Clausewitz fait une distinction qu'on a souvent du mal à saisir. Il a fait surtout dans le premier livre de la guerre, et ensuite, évidemment, les autres, dans le reste de l'ouvrage qu'il n'avait pas revu lui-même, puisqu'il est mort du choléra avant de finir l'édition de son ouvrage. C'est mixé, disons. Il fait une distinction entre la guerre absolue et la guerre réelle. La guerre absolue, alors c'est une mode de pensée c'est kantien. Pour les lecteurs de Kant, c'est très familier. La guerre absolue, c'est la guerre conforme à son concept, c'est la raison non bornée par l'entendement. La guerre conforme, donc, dans l'absolu, c'est l'ascension aux extrêmes. C'est-à-dire que, à partir du moment où les hostilités sont ouvertes, un des deux côtés doit mourir. c'est l'ascension aux extrêmes. Dans l'absolu, la guerre prise comme un calcul vise à finalement aboutir à l'anéantissement d'un des deux partis belligérants. Maintenant, il contrebalance cette notion avec l'idée de guerre réelle. La guerre réelle, c'est la guerre faite de contingences historiques, faite de frictions, et toutes les expressions qu'on utilise un peu comme ça maintenant dans le langage courant, le fameux brouillard de la guerre, les frictions, donc tout ce qui ralentit ou qui va accélérer, tout ce qui provoque de l'imprévu, mais c'est ce qui a lieu dans la guerre. Et ce que nous dit finalement Clausewitz, c'est que il faut concevoir la guerre, faire une sorte de critique de la raison pure de la guerre, où on réfléchit à établir les catégories, les conditions de possibilité de la guerre, donc comment on peut la penser, c'est le premier livre de Delaguerre, et vous avez le reste de Delaguerre qui va traiter de la guerre au sens réel, donc comment elle se déroule historiquement. Et là où on... Pourquoi je vous parle de ça avec le problème du nucléaire, c'est que finalement, la guerre nucléaire, c'est la pire des guerres totales, mais ce n'est pas la guerre absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre au sens absolu, de la même manière que si on laisse la raison partir sans borne, ça n'est pas conforme à notre compréhension. La guerre, donc, l'éventualité de la guerre nucléaire, ce serait donc cette guerre totale où il n'y aurait pas de friction, où il n'y aurait plus de politique, où il n'y aurait plus ces ralentissements et ce rôle du politique qui vise à maîtriser l'armement nucléaire. Ou pour le dire finalement avec les mots de Aron, Le problème avec la guerre nucléaire, c'est qu'en raison de sa puissance de feu, nous avons été contraints de remplacer l'action par la dissuasion. Mais c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que la dissuasion, c'est aussi une des modalités de la guerre, mais c'est pas une guerre dans laquelle la bombe nucléaire explose. Exactement. Elle est utile d'une autre façon. C'est-à-dire que c'est un outil politique, c'est un outil de négociation politique. Et c'est là toute la difficulté à comprendre, c'est que quand on raisonnerait, même si on prend le problème de la manière la plus militaire possible, imaginez qu'un autre pays ait la bombe nucléaire et vous menace. Pouvez-vous vous protéger ? Non, pas de défense possible, même les plus gros bunkers, c'est compliqué. Pouvez-vous empêcher l'adversaire d'utiliser ses armements en les sabotant? Non plus. Trop compliqué. Pouvez-vous intercepter les missiles balistiques? Très compliqué aussi. Qu'est-ce qu'il vous reste? Le discours politique. La discursivité politique. Qui paraît complètement anodin et vain face à l'ampleur de l'arme à laquelle on fait face. Mais nous n'avons que ça. Et c'est là où on rejoint l'optimisme aronien. L'optimisme aronien consiste finalement à faire confiance en la discussion politique, en la raison, en la diplomatie. Et jusqu'à il y a encore 2 ou 3 semaines, nous faisions confiance au diagnostic aronien. C'est là toute la question. Est-ce que ça tient encore aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut, pour le dire clairement, est-ce qu'on peut négocier avec Poutine ? Est-ce qu'on peut raisonner Vladimir Poutine ? J'aurais tendance à rester aronien et optimiste sur ce plan et à penser qu'on peut toujours négocier et qu'à partir du moment où on discute, on négocie. Et c'est pour cela que les institutions internationales ont une grande importance, ne serait-ce comme étant une plateforme de discussion. Il faut discuter. Mais donc il faut parier sur la rationalité de Vladimir Poutine lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme s'il était tout simplement atteint d'une forme de folie qui le rendrait hermétique à toute forme de négociation et de discussion. Surtout pas. Et pour revenir à Clausewitz, il faut penser que la guerre est un objet politique. Et en tant qu'objet politique, elle a toujours une rationalité. Peut-être une rationalité qu'on ne comprend pas, peut-être une rationalité à laquelle on ne s'attend pas. Et c'est ce qui s'est produit avec l'attaque finalement en Ukraine. Comment aurions-nous pu imaginer, nous, Européens, ayant grandi avec l'ombre des guerres mondiales et les monuments aux morts dans chacune des communes françaises, que ce qu'on appelle la guerre de haute intensité reviendrait aussi vite, reviendrait en Europe. Par guerre de haute intensité, il faut entendre un conflit armé international qui oppose deux États. Jusqu'à présent, si vous prenez statistiquement la nature des conflits armés depuis la chute de l'Empire soviétique, ce sont des conflits armés dits non internationaux dans l'appellation juridique, ce sont des conflits qui opposent un État à des groupes armés. Donc c'est de la contre-insurrection, on a besoin de petits contingents qui vont faire ce qu'on appelle les opérations chirurgicales. Et on n'a pas besoin de réinvestir énormément de moyens militaires et rechercher donc le retour de la masse face au feu. C'est quelque chose qu'on... Alors certes, militairement, on s'y préparait. Il y a toujours cette idée que c'est une possibilité. Donc, toute possibilité, on s'y prépare. Mm-hmm. Mais de là à ce que cela advienne, en dépit des milliers, des divisions de soldats à la frontière ukrainienne, c'était difficile à croire, difficile à penser. Puisque, voilà, ça nous rappelle des événements historiques tristes, finalement. Ça nous rappelle que la guerre en Europe est possible. Et qu'elle a lieu même. Et qu'elle a lieu. La question, c'est va-t-elle s'étendre ? Et là, pour le coup, que ce soit le philosophe ou le théoricien de la politique, nous n'avons pas vocation à jouer le rôle d'oracle. Et même si la tentation est grande de chercher dans la philosophie de la prédiction ou ce rôle de, voilà, de prédicteur d'avenir, là, j'avoue très simplement que je ne sais pas. Nous ne savons pas. Comment s'y préparer ? Comment faire en sorte que la défense, puisque nous serions attaqués, soit à la hauteur? C'est une question que s'est posée le général de Gaulle en 1959. Il faut que nous sachions nous pourvoir dans les années qui commencent de ce qu'on est convenu d'appeler une force de frappe susceptible d'agir pour notre compte à tout moment et n'importe où. Il va de soi qu'à la base de cette force doit être l'armement atomique. Que nous le fabriquions ou que nous l'achetions, mais qui doit nous appartenir. Et puisqu'on peut détruire la France, éventuellement, à partir de n'importe quel point du monde, il faut que notre force à nous soit faite pour pouvoir agir en n'importe quel point du monde. Édouard Joly, ici, lorsque le général de Gaulle justifie le fait que la France doive se doter, détenir l'arme atomique, il utilise l'argument de la défense. Mm-hmm. Hein, il faut que nous ayons l'arme atomique pour pouvoir nous défendre. Mais au fond, c'est pas une défense réelle. On est ici dans ce que vous nommiez une sorte de surenchère, de dissuasion. C'est pas le conflit armé ici dont on parle. C'est l'image de la guerre. L'idée ici, je pense qu'il faut, contextuellement, donc oui. on est en 1959, c'est l'apparition des missiles balistiques intercontinentaux. C'est-à-dire que vous n'avez plus nécessairement besoin d'un vecteur aéroporté et vous pouvez atteindre n'importe quel continent. Donc là, il y a un vrai bouleversement. L'autre idée, c'est que ce que dit finalement le général de Gaulle à cette époque, et là c'est un discours à l'école de guerre, donc il faut le remettre dans le contexte aussi qu'il s'adresse aux officiers qui vont ensuite avoir à implémenter ce nouvel armement dans leur stratégie et dans leur pratique. Il nous dit finalement que, d'un point de vue très réaliste, au sens où voilà, le contexte fait que, pour avoir la possibilité de jouer un rôle dans la politique étrangère, dans les relations internationales interétatiques, pour avoir un siège au Conseil de sécurité, nous devons être possesseurs de l'arme nucléaire. Nous devons être en capacité de pouvoir dissuader un autre État qui éventuellement nous menacerait ou utiliserait ce moyen pour faire pression. Nous avons besoin de rentrer dans cet équilibre de la terreur. C'est le sens de son appel. Et aujourd'hui, les relations internationales ne peuvent pas se penser sans cet aspect-là. Non, et c'est ce qu'on a tendance à s'en rappeler parce que le contexte actuel nous le rappelle. Mais la dissuasion nucléaire est une question permanente. C'est ce qui fait même le sens de la dissuasion. C'est l'idée qu'elle soit permanente. Alors on vit très bien au quotidien avec. Et c'est, pour revenir à Under, c'est un de ses effrois. C'est-à-dire ouais. qu'il ne comprend pas comment on ne peut pas être en panique finalement face à cette possibilité effrayante d'être anéanti en quelques minutes. Mais là où ce qu'oublie Under, c'est finalement toute cette inertie politique, cette discussion politique, et que la guerre restant un objet politique, elle est poursuivie pour certaines finalités. Oui. Et que s'il n'y a pas de finalité à poursuivre, pourquoi employer des moyens horribles ? Oui, mais tout dépend de cette finalité. Exactement. Et mais c'est tout le sens de la discussion politique, tout le sens du contexte actuel, c'est de parvenir à déterminer finalement quelles sont les finalités poursuivies par Vladimir Poutine. Et c'est encore une question ouverte, puisqu'on a du mal à les déterminer. Et à partir du moment où peut-être les acteurs politiques se faisant la guerre actuellement s'accorderont sur les finalités politiques poursuivies, là, la négociation sera possible, là, un cessez-le-feu sera possible, et là, on verra clair et on s'accordera. Et on sortira, on produira de la désescalade. Alors, pour reprendre l'image de Prométhée employée par Enders et par Raymond Aron et par vous, Édouard Joly, la question se pose de savoir si, finalement, l'homme n'est pas dépassé par sa propre puissance, si le risque n'est pas qu'il délaisse la raison au profit d'une technique toute puissante, et si, finalement, le sort de notre humanité ne serait pas à remettre entre les mains de machines ou d'intelligence artificielle, quelque chose qui ne serait dénué d'humanité. C'est le scénario d'un film réalisé par John Badham, sorti en 1983, qui s'appelle War Games. Ces ordinateurs nous indiquent à chaque instant la situation mondiale. Mouvement de troupes, essais de missiles soviétiques, tout arrive dans cette pièce et ensuite passe sur l'ordinateur Whooper. Whooper, qu'est-ce que c'est ? C'est le nom de code du plan de riposte opérationnel de guerre. Et voici Monsieur Richter. Paul, voulez-vous expliquer le Whooper à ces messieurs ? Eh bien... Le Whopper pense la Troisième Guerre mondiale en permanence. 24 heures sur 24, pendant 365 jours par an, il a pour fonction d'inventer tous les jeux de guerre possibles en utilisant toutes les informations sur les cas de figure mondiaux. Il dénombre les morts, évalue les dégâts et cherche les moyens d'améliorer ses scores. L'important, c'est que les décisions clés de toutes les formes possibles de guerre nucléaire ont déjà été pensées par le Whopper. Si je vous comprends bien, cet engin d'$1 milliard est en définitive laissé à la merci d'hommes qui tournent une petite clé. C'est exact, oui. Et dont le seul défaut est d'être humain. Mais en un mois, il serait très facile de les remplacer par des relais électroniques et on élimine l'homme du circuit. Messieurs, je me demande si vous tenez sérieusement à confier la sécurité d'une nation à des diodes en silicone. Messieurs, je crois que je vais recommander au président l'idée de M. McKittrick. Nous en reparlerons ensuite. Merci. Alors un mot sur le pitch du film quand même, l'histoire de ce film, c'est qu'un adolescent va pirater l'ordinateur de son école et envoyer par erreur un message d'offensive nucléaire au centre du commandement américain. Et comme il a été décidé que le supercalculateur en charge du conflit nucléaire serait dirigé par l'informatique et non par l'homme, et ben les membres du centre de défense savent pas comment empêcher la riposte nucléaire. C'est un scénario génial, Édouard Joly. Puis dans le contexte, on est dans les années 80, c'est l'époque où l'URSS et les États-Unis ont le maximum de bombes nucléaires, on a dépassé les 60 000. Depuis, on a réduit par un facteur, on a 6 fois moins de bombes nucléaires à l'heure actuelle. Donc il y a quand même eu un désarmement depuis, hein, parce qu'il y a un changement de contexte politique. Ce film, il est génial parce qu'il y... Il illustre énormément de problèmes. Vous l'enseignez à vos élèves à l'école? Ouais, j'en parle pas à l'école, j'en parle à Paris 2. C'est-à-dire que ouais. J'aime bien utiliser, mais comme beaucoup d'enseignants, utiliser les films pour illustrer certains concepts. L'idée ici, c'est que, pour revenir à ce que je disais avec la différence entre guerre absolue et guerre réelle, c'est que si on reste dans un modèle qui rend possible la friction, et c'est le début du film... Si on fait un exercice, ce qu'ils font dans le film, on fait un exercice militaire, on fait croire donc à aux personnes qui doivent appuyer sur les boutons pour déclencher les missiles, et ils se rendent compte qu'il y a une énorme proportion de soldats qui refusent, parce qu'ils refusent d'être responsables de la destruction de millions de vies humaines. Friction, manque d'efficacité. Donc ils décident de dire, bon, on va déléguer la décision à une machine, parce qu'en plus ça permettra de réagir plus vite, et finalement, d'avoir un gain d'efficacité opérationnelle dans la réponse. Et ce que montre finalement le film, c'est qu'avec un piratage d'un adolescent qui déclenche la simulation sans s'en rendre compte, on pense que voilà, le conflit nucléaire va avoir lieu, et les êtres humains, dans le film, sont réduits à quoi ? À ne plus faire confiance à la machine. À avoir besoin de communiquer, de revenir à de la discussion, de revenir à du dialogue, en particulier avec les soviétiques dans le film, pour se dire, est-ce que vous êtes vraiment en train de déclencher la guerre ? Ah ben non, en fait. Et on se rend compte que on a besoin de se faire confiance entre êtres humains et que c'est ce dont on a besoin pour retrouver la rationalité du processus. Et l'autre chose, c'est que finalement, alors je veux pas non plus raconter tout le film, mais... Il arrive un moment où on laisse la machine réfléchir elle-même. Et donc on voit que c'est de la fiction, hein, mais la machine finit par répéter tous les scénarios possibles de conflit nucléaire. Et comme elle est une machine, elle conçoit la guerre comme un calcul. Et comme elle conçoit la guerre comme un calcul, l'apocalypse est la fin à chaque fois. Et le résultat de la machine, c'est la machine qui s'avoue elle-même en presque buguant, en disant finalement, la seule manière de gagner ce jeu de la guerre thermonucléaire globale, c'est de ne pas jouer. On n'est pas trop loin de Kubrick, là, quand même. Ça ressemble beaucoup au scénario de... Tous ces films ont tendance à tendre vers cela, de montrer qu'on gagne tous à ne pas jouer ce jeu trop dangereux. Et c'est ce pacifisme des années 80 dont peut-être nous aurions besoin à l'heure actuelle pour nous rappeler que nous sommes déjà passés par ces questionnements-là, nous sommes déjà passés par ces peurs, et que nous avons besoin de rationalité politique. Mm. Nous avons besoin de discussions et d'accords. Nous avons besoin de désescalade. Mais ça, une chose est de convaincre les citoyens que c'est le cas, une autre est de convaincre les dirigeants. Enfin là, notre sort est quand même entre les mains de personnes qui ne sont pas nous. C'est toute l'idée, toute la fonction, tout le poids de la fonction présidentielle, tout le poids de la fonction de nos représentants en politique étrangère, c'est que lorsque nous confions par la démocratie ses responsabilités à des individus, nous leur donnons entre les mains d'énormes responsabilités politiques. Et c'est pourquoi le choix de certaines responsabilités politiques ne peut pas être pris de manière anodine, si vous voulez. Il n'y a pas que la politique intérieure qui compte. C'est ce que finalement, ce à quoi nous faisons face avec l'arme nucléaire, finalement, c'est à l'importance de la politique étrangère. Et c'est ce qui revient dans le contexte actuel. On se rend compte que avec la prise de position de certains candidats par rapport au contexte, on ressort les archives, on se rend compte que certains étaient plus pro-Poutine, etc. Oui, la transformation et les sondages qui évoluent immédiatement. Et là, c'est quelque chose. On a tendance à considérer que la politique étrangère est un peu le parent pauvre de la politique. Là, le contexte nous montre que ça peut tout à fait être l'inverse. Oui, puis vous nous faites aussi prendre conscience que dans les choix qui peuvent motiver le vote pour un candidat ou pour un autre, en premier, il faudrait peut-être privilégier celui de la raison, même si c'est difficile d'établir comment cette raison s'exerce. Mais... Je dirais, voilà. Alors évidemment, la situation fait la fonction. On le voit à l'heure actuelle en Ukraine. Un acteur qui jouait son propre rôle de potentiel président devient président. Et on réalise que il résiste, il arrive à organiser la défense, alors que c'est un comédien. Donc là, je pense qu'il ne faut pas non plus survaloriser... C'est vrai, c'est un bon exemple. On se serait pas dit que le vote pour Zelensky était le vote pour la raison. Or, finalement, c'est celui qui fait la preuve de plus de puissance possible. Peut-être que la démocratie fonctionne bien, finalement. Et on a peut-être tendance, et d'autant plus en sortant d'une crise sanitaire, d'une pandémie, où la rationalité du politique a été remise en question en permanente, où on a une perte de confiance presque effrayante, où on s'y perd. Là, on se dit que finalement, on a besoin de la confiance. On a besoin de faire confiance dans nos responsables politiques, un minimum. Sans quoi, où serait la raison ? Où pourrions-nous... À quel saint pourrions-nous nous vouer, si on veut ? La question se pose de savoir si, avec l'arme nucléaire, la guerre ne serait pas devenue une menace permanente. Est-ce qu'on peut encore parler de paix dans un contexte où les pays les plus puissants sont dotés de l'arme nucléaire ? Écoutez la réponse de la philosophe Hannah Arendt. C'est parce que nos expériences avec la politique se sont essentiellement déroulées dans le champ de la violence qu'il ne nous est que trop naturel de comprendre l'action politique sous les catégories de la contrainte et de l'être contraint, de la domination et de l'être dominé. Nous avons tendance à considérer la paix comme quelque chose qui prend son origine à partir d'un domaine qui transcende le politique et qui doit maintenir la politique elle-même dans ses limites. De même que nous sommes enclins à accueillir les époques de paix qui s'intercalent entre les catastrophes, comme les périodes quinquennales ou les décennies au cours desquelles la politique nous octroie un répit. Si le seul objet pertinent de la politique est devenue la politique étrangère, c'est-à-dire le danger qui guette toujours les relations internationales, cela ne signifie ni plus ni moins, sinon que le mot de Clausewitz, la guerre n'est rien d'autre que la poursuite de la politique avec d'autres moyens, s'est inversée. De telle sorte que la politique est finalement devenue une poursuite de la guerre dans laquelle les moyens de la ruse se sont provisoirement introduits à la place des moyens de la violence. Et il est indéniable que les conditions de la course aux armements dans lesquelles nous vivons et devons vivre permettent à tout le monde de penser que le mot de Kant « rien ne devrait arriver pendant la guerre qui rende impossible une paix ultérieure » s'est lui aussi inversé. En sorte que nous vivons dans une paix au sein de laquelle rien ne doit être épargné pour qu'une guerre soit encore possible. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Vous trouverez ce texte d'Anna Arendt, lu ici par Bernard Gabet, dans « Qu'est-ce que la politique ?», hein, le sens de la politique. Édouard Joly, souscrivez-vous à l'analyse d'Anna Arendt qui dit que finalement, le mot de Claude Witt selon lequel la guerre n'est rien d'autre que la poursuite de la politique par d'autres moyens devrait être renversé. Et qu'au fond, c'est la politique qui n'est rien d'autre que la poursuite de la guerre par d'autres moyens. Alors je ne dirais pas que j'y souscris, c'est-à-dire que pour le coup, ce texte, je l'utilise dans mes cours, ouais. y compris j'aime le faire lire à des officiers. C'est-à-dire que là, ce qu'on comprend avec Arendt, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les écrits, dans l'introduction de la stratégie du général André Beaufre, c'est que à partir du moment où on est rentré dans l'ère nucléaire, la Grande Guerre est morte. C'est ce qu'il dit texto. La Grande Guerre, au sens tel que nous l'avons connue pendant la Seconde Guerre mondiale, ne semble plus possible, puisque l'ascension aux extrêmes conduirait à une destruction. Mais d'un autre côté, la vraie paix est morte aussi. Il dit texto, la Grande Guerre et la vraie paix sont mortes ensemble. Ce que nous dit finalement Arendt, c'est qu'elle nous avertit sur l'idée que, à partir du moment où on considère que la guerre est au fondement de la politique, on change énormément de choses. C'est-à-dire qu'on se met dans le contexte d'un autre auteur en théorie politique, on se met dans le contexte de Carl Schmitt. C'est-à-dire qu'on se met à considérer que l'opposition entre amis et ennemis devient le dualisme fondateur de la politique. Sauf que, au tout début du texte, ce que nous dit Arendt, elle nous rappelle quelque chose de fondamental qui nous vient de la Grèce antique. Nous confondons ou nous assimilons trop la politique avec la question de la violence. Et là, il suffit pour nous de nous rappeler ce qu'était une cité antique. Une cité antique, c'est le lieu où la violence est interdite. Au-delà des murs de la cité, c'est la loi du plus fort. C'est ce qu'on trouve chez Thucydide, c'est comme ce qu'on trouve chez Platon, c'est oui. Ce qu'on trouve, bon, c'est dans tout ce mouvement-là de l'époque. Mais à l'intérieur de la cité, la violence est interdite. Quel est le plus bel exemple de cette interdiction de la violence? Eh bien, quand on est en terminale, on découvre la philosophie, on va parler de la figure de Socrate. Et Socrate, on rappelle sa biographie et on dit simplement bah, « Socrate a bu la ciguë et a accepté de mourir ». Et on s'arrête là. Mais que signifie le fait de boire la ciguë? Boire la ciguë est un moyen de mourir non violent. Et le bannissement de la violence au sein de la politique, de la gestion de la police, donc de la cité, implique cette interdiction de la violence qui se traduit donc en persuasion. On persuade le condamné à mort d'accepter la sentence et de boire la ciguë. On interdit la violence des murs de la cité. Et Arendt s'inscrit, bon, si vous lisez Arendt, vous êtes les lecteurs d'Arendt s'y sont habitués, on a d'abord la Grèce antique convoquée, ensuite la Rome antique, et puis on discute de notre situation actuelle. C'est un peu construit comme une dissertation. Vous êtes dur avec Arendt, quand même. Je suis dur, oui. Mais l'idée ici, c'est de se rendre compte que notre conception de la politique qui assimile cela à des rapports de domination, à de la violence symbolique, ou à tout ce qui cherche à traduire tous nos rapports politiques à partir de la notion de violence, finalement, on passe à côté d'un rapport politique plus fondamental, plus égalitaire, plus serein, que Arendt elle-même trouve dans la Grèce antique. Ou plutôt, je le dirais d'une manière différente, nous reste-t-il la possibilité de concevoir la politique sans avoir recours à la notion de violence? Arendt dit quoi? Répond quoi? Elle achève son texte en nous disant que le risque de notre époque, c'est de se retrouver dans un temps où nous allons finalement utiliser tous les moyens dont nous disposons de manière menaçante. Mais elle s'arrête là. Et je ne peux pas aller plus loin qu'elle non plus. C'est-à-dire que la seule chose que je peux donc constater aussi avec elle, c'est ce qu'on dirait dans un autre langage, la dilatation de l'espace stratégique. Ça veut dire quoi ? La dilatation de l'espace stratégique, ça apparaît avec la Première Guerre mondiale en particulier, où on apprend à se faire la guerre dans les airs, sous les mers et avec des blindés sur la terre. On dilate l'espace stratégique, c'est-à-dire que on arrive à se faire la guerre dans d'autres milieux. Depuis lors, cet espace ne cesse de se dilater. On réfléchit à se faire la guerre dans l'espace, on réfléchit à se faire la guerre sur Internet, on réfléchit à se faire la guerre partout. La question est, existe-t-il, et c'est une question ouverte, existe-t-il un programme politique qui va chercher à concevoir une manière donc de vivre ensemble, ou de vivre en communauté, ou de faire un corps collectif, sans avoir besoin de nous menacer perpétuellement avec tous les moyens dont nous disposons. Et c'est là qu'on va plus loin que la question de la menace nucléaire, c'est avons-nous besoin de nous menacer mutuellement en permanence pour faire politique ? Et là, c'est une question ouverte à laquelle je n'ai pas la réponse. Ah bon, on va se quitter avec cette question alors, Edouard Joly. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de vos travaux, de nous parler de Günther Anders. Je renvoie aux ouvrages que vous lui avez consacrés, notamment une politique de la technique qu'on trouve aux éditions Michelon. On se quitte avec une chanson qui est votre suggestion. C'est une chanson sur l'apocalypse, Cigarettes After Sex. Vous voulez en dire deux mots ou on l'écoute ? Elle s'écoute toute pour elle-même, celle-là. Ça veut dire qu'on se quitte avec l'apocalypse, hein, quand même. Est-ce que c'est une manière de répondre à la question que vous lanciez ? La menace reste possible. Mais le possible ne fait pas le nécessaire. Le possible tutoie le contingent. Je suis pas très convaincu. Hein. Je trouve que l'apocalypse l'emporte quand même. Bon, on se quitte en chanson en tout cas. France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la chronique quotidienne du philosophe Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment décrire la phénoménologie ? Au début du XXe siècle, en Europe, apparaît une étrange doctrine dont, malgré le nom très technique, très difficile en apparence à retenir, le destin fut exceptionnel dans le rayonnement social, moral, politique, historique, tout au long du siècle qui suivit, d'un destin tout à fait révélateur et essentiel. Cette doctrine, c'est la phénoménologie. Cette phénoménologie dont le destin est aussi lié à cette petite fonction en nous, mystérieuse, qui nous relie au monde et à nous-mêmes et qu'on appelle la conscience. Qu'est-ce donc que la phénoménologie et pourquoi est-elle si importante pour nous. Il faut d'abord revenir à son origine. Son origine, c'est en 1900, dans un traité au titre, là aussi, très scientifique, très technique, Les recherches logiques d'un philosophe allemand, Edmund Husserl. Dans ce traité, Les recherches logiques, Husserl cherche le fondement de la logique, le fondement de la vérité, mais dans l'activité de la conscience. Non pas la conscience humaine, dit-il, de tous les jours, mais une forme de conscience pure, puisque les objets sont donnés à une conscience, sont ce qu'on appelle des phénomènes. Il faut faire abstraction de leur contexte pratique et chercher à les décrire tels qu'ils apparaîtraient à une conscience virtuelle mais pure, à une essence. Par exemple, les objets mathématiques ne sont pas des objets du monde, mais nous pouvons décrire ce qui les constitue quand la conscience les aborde comme mathématiques. Et de même, nous pouvons décrire de façon pure ce qu'est une perception en général à partir de la perception d'un arbre, d'une chaise, d'un fauteuil, d'un corps. Qu'est-ce qui définit la perception réelle par opposition, par exemple, comme le montrera Sartre, avec une image irréelle, l'image d'une chose quand elle n'est pas là et quand elle est là sur le fond d'un monde. Ainsi, la phénoménologie est la description pure des phénomènes. Cette science, logos, du phénomène, ce qui nous apparaît, phénoménon. Ainsi, chez Husserl, la phénoménologie part de l'expérience de la conscience, mais oublie en quelque sorte que la conscience est la conscience d'un corps vivant, engagé dans le monde, et cherche à décrire de façon pure les objets. C'est bien aride, c'est rival avec des théories linguistiques de la science, par exemple, qui se déploient au même moment et qui vont donner la philosophie analytique, et cela cherche à fonder la rigueur scientifique sur l'expérience même de la conscience. Pas de quoi faire le destin de l'Europe au XXe siècle. Mais dans les années 20 et 30, avec Heidegger et Jean-Paul Sartre en particulier, tout se retourne dans la phénoménologie. Voici que les phénoménologues examinent non plus l'objet de la conscience, mais son sujet. Ce sujet qui pose la question de l'existence, dit Heidegger, qui est un existant. Ce sujet qui n'est pas une chose, mais un néant, dit Sartre. Et tout à coup, la phénoménologie devient la clé de notre existence singulière dans le monde. Cette conscience qui est la source du monde et qui va être l'objet de conflits très lourds entre différentes versions de la phénoménologie. Voici pourquoi la phénoménologie a hanté le XXe siècle. C'est parce qu'elle a traversé les deux côtés de la conscience, l'objet pur et le sujet vivant et parfois mortel, mais elle a peut-être aussi coupé la relation entre eux, cette relation qui définit la conscience, la phénoménologie qui est liée au XXe siècle. Faut-il maintenant la replacer dans l'histoire de la conscience vivante, dans la conscience d'aujourd'hui ? Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique Le pourquoi du comment est à réécouter en ligne sur le site des chemins de la philosophie. Et un grand merci à l'équipe des chemins de la philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui c'était Thaïs, Éloi Hammer, en compagnie de Manon Delasselle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui c'était Audrey Guélil, à la lecture des textes Bernard Gabet. On se retrouve demain pour la suite de notre série En guerre. Demain nous serons en compagnie du psychanalyste Paul-Laurent Hassoun. On se demandera comment vivre avec l'angoisse de mort, un sujet d'actualité, une question d'actualité, et on y répondra notamment en lisant Freud, un malaise dans la civilisation. On verra qu'on ne peut pas s'en débarrasser de cette angoisse, mais peut-être on peut en faire quelque chose. Réponse demain. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez aussi la télécharger, la podcaster sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez notamment aller sur l'application Radio France. Rendez-vous aussi sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. Bonjour, je suis Grégory Philips et tous les soirs dans Guerre en Ukraine, le podcast quotidien, je vous propose un point sur la situation en Ukraine grâce aux envoyés spéciaux de Radio France. 10 minutes pour raconter cette guerre depuis le terrain, un podcast de la rédaction internationale pour France Culture à retrouver sur l'application Radio France.